La clé du rêve conscient pour un sommeil serein. Introduction au rêve conscient. Le rêve conscient, également connu sous le nom de rêve lucide, est la capacité remarquable d'être conscient et de contrôler ses rêves. C'est un état extraordinaire où le rêveur n'est pas simplement un observateur passif mais un participant actif dans le monde du rêve. Grâce au rêve conscient, les individus peuvent explorer des possibilités illimitées, puiser dans leur créativité, mieux comprendre leur subconscient et faire l'expérience d'une profonde croissance personnelle. Dans cet article, nous plongerons dans le domaine fascinant du rêve conscient, en explorant sa science, les techniques pour induire des rêves lucides et les nombreux avantages qu'il offre. Que vous soyez curieux de connaître ce phénomène ou désireux d'améliorer vos expériences de rêve, ce guide vous fournira des informations précieuses et des stratégies pratiques pour libérer le plein potentiel de vos rêves. Qu'est-ce que le rêve conscient ? Le rêve conscient, également connu sous le nom de rêve lucide, est le phénomène fascinant où vous prenez conscience que vous rêvez alors que vous êtes au milieu d'un rêve. C'est comme si vous étiez aux premières loges de votre cinéma de rêve personnel, où vous avez le pouvoir de contrôler et de manipuler le monde onirique qui vous entoure. C'est une expérience exaltante et immersive qui vous permet d'explorer votre subconscient et de puiser dans votre créativité. Perspectives historiques et culturelles sur le rêve conscient. Croyez-le ou non, le rêve conscient est un sujet d'intérêt depuis des siècles. Les cultures anciennes, telles que les bouddhistes tibétains et les amérindiens, pratiquent depuis longtemps des techniques pour induire des rêves lucides comme moyen d'acquérir une perspicacité, une illumination spirituelle et un accès au royaume des rêves. Même Aristote et le philosophe Descartes ont réfléchi à la nature du rêve lucide dans leurs œuvres. Ainsi, vous n'êtes pas seul dans votre curiosité pour le rêve conscient, c'est un concept qui a fasciné et intrigué les gens à travers l'histoire. Comprendre la science derrière les rêves conscients. La neurobiologie du rêve. Nos cerveaux sont incroyablement complexes et l'étude des rêves a mis en lumière le fonctionnement complexe de l'esprit. Bien que nous ayons encore beaucoup à apprendre, la neurobiologie a montré que le rêve se produit pendant la phase de sommeil paradoxal, REM. Pendant ce temps, le cerveau devient très actif, déclenchant des impulsions électriques qui créent des images, des émotions et des sensations vives dans le monde des rêves. Rôle du sommeil paradoxal dans le rêve conscient. Le sommeil paradoxal fournit non seulement la toile de nos rêves, mais joue également un rôle crucial dans les rêves conscients. C'est au cours de cette étape que notre cerveau est plus réceptif à prendre conscience de l'état de rêve. En comprenant le lien entre le sommeil paradoxal et les rêves lucides, nous pouvons utiliser des techniques pour augmenter nos chances d'avoir des rêves conscients. Techniques pour induire des rêves conscients. Vérification de la réalité et test de réalité. Une technique efficace pour induire des rêves conscients consiste à vérifier la réalité et à tester la réalité. Cela implique de questionner régulièrement votre environnement tout au long de la journée, en vous demandant « est-ce que je rêve ?». En faisant une habitude, cela s'enracine dans votre subconscient, ce qui conduit à une prise de conscience accrue dans vos rêves. Vous commencerez à remarquer des anomalies ou des incohérences dans le monde des rêves, déclenchant la lucidité et vous donnant l'opportunité de prendre le contrôle. Technique d'induction mnémotechnique des rêves lucides, MILD. La technique MILD consiste à fixer une intention forte de faire un rêve conscient avant de s'endormir. Au fur et à mesure que vous vous assoupissez, répétez un mantra comme « Ce soir, je réaliserai que je rêve ». En renforçant cette intention, vous entraînez votre esprit à reconnaître l'état de rêve. Avec de la pratique, cette technique peut augmenter considérablement vos chances de devenir lucide pendant les rêves. Technique du retour au lit, WBTB. La technique du retour au lit consiste à se réveiller du sommeil, à rester éveillé pendant une courte période, puis à se rendormir avec l'intention de faire un rêve conscient. En interrompant votre sommeil puis en retournant au lit, vous êtes plus susceptible d'entrer directement dans le sommeil paradoxal, ce qui augmente la probabilité de rêve conscient. C'est comme donner à votre cerveau un petit coup de pouce dans la direction du rêve lucide. Améliorer le rappel des rêves et la lucidité. Tenir un journal des rêves. L'une des clés pour améliorer le rappel des rêves et la lucidité est de tenir un journal des rêves. En écrivant vos rêves dès le réveil, vous renforcez l'habitude de vous souvenir et d'analyser vos rêves. Au fil du temps, votre mémoire de rêve s'améliorera et vous deviendrez plus à l'écoute des schémas et des symboles de vos rêves, améliorant ainsi votre lucidité. Vérification de la réalité tout au long de la journée. En plus de vérifier la réalité pendant les heures de veille, effectuer des vérifications de la réalité tout au long de la journée peut entraîner votre esprit à être plus alerte et à remettre en question la nature de la réalité même dans le monde des rêves. En vous demandant régulièrement si vous rêvez, en effectuant des tests simples comme essayer d'enfoncer votre doigt dans votre paume ou en regardant une horloge deux fois pour vérifier les incohérences, vous construisez l'habitude d'une conscience critique qui peut se poursuivre dans vos rêves. Maintenant armé d'une compréhension du rêve conscient et des techniques pour induire et améliorer la lucidité, vous pouvez vous lancer dans un voyage passionnant à travers les royaumes de votre propre esprit. Faites de beaux rêves et de beaux rêves lucides. Explorez les avantages du rêve conscient. Le rêve conscient n'est pas seulement une façon amusante de passer vos nuits, il peut également avoir des avantages réels qui s'étendent bien au-delà du monde des rêves. Créativité et résolution de problèmes. L'un des plus grands avantages du rêve conscient est sa capacité à stimuler votre créativité et vos compétences en résolution de problèmes. Lorsque vous prenez conscience de vos rêves, vous avez la possibilité de puiser dans votre subconscient, où résident souvent des idées innovantes. C'est comme libérer un génie créatif caché et accéder à un potentiel inexploité. Croissance personnelle et exploration de soi. Le rêve conscient est un outil puissant pour la croissance personnelle et l'exploration de soi. En naviguant consciemment dans vos rêves, vous pouvez obtenir des informations approfondies sur votre psychisme, découvrir des émotions cachées et même affronter des peurs ou des problèmes non résolus. C'est comme avoir votre propre thérapeute personnel disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sauf que votre thérapeute est votre propre subconscient. Surmonter les défis courants du rêve conscient. Bien que le rêve conscient puisse être une expérience incroyable, il n'est pas sans obstacles. Voici quelques défis courants que vous pourriez rencontrer en cours de route. Faire face à la fragmentation des rêves. La fragmentation des rêves se produit lorsque votre conscience dans le rêve s'estompe et que le rêve commence à s'effondrer ou à se transformer en un scénario sans rapport. Cela peut être frustrant, mais avec de la pratique, vous pouvez apprendre à stabiliser votre rêve et à maintenir votre lucidité plus longtemps. Des techniques telles que les vérifications de la réalité, la méditation et la journalisation des rêves peuvent vous aider à surmonter ce défi. Gérer le contrôle et la stabilité des rêves. Un autre défi consiste à maintenir le contrôle et la stabilité dans vos rêves. Parfois, votre environnement de rêve peut devenir chaotique ou imprévisible, ce qui rend difficile l'orientation du rêve dans la direction souhaitée. Développer des techniques de pleine conscience et de visualisation peut vous aider à reprendre le contrôle et à créer un environnement de rêve plus stable. Intégrer le rêve conscient dans la vie quotidienne. Le rêve conscient ne doit pas se limiter aux seules aventures nocturnes. Vous pouvez l'intégrer dans votre vie quotidienne et améliorer divers aspects de votre existence éveillée. Le rêve lucide comme pratique spirituelle. Pour certains, le rêve conscient est bien plus qu'une simple expérience, c'est une pratique spirituelle. Les traditions spirituelles anciennes et contemporaines utilisent les rêves lucides comme moyen de se connecter à des niveaux de conscience supérieurs et d'explorer les royaumes spirituels. En intégrant les rêves lucides dans votre chemin spirituel, vous pouvez découvrir un nouveau monde de croissance intérieure et d'illumination. Appliquer les leçons de rêves lucides à la vie éveillée. Les leçons et les expériences vécues dans vos rêves lucides peuvent être appliquées à votre vie éveillée. Que ce soit pour surmonter des peurs, améliorer la créativité ou résoudre des problèmes personnels, les compétences que vous développez dans le monde des rêves peuvent avoir un impact positif sur votre quotidien. En apprenant à être plus conscient et à contrôler vos rêves, vous pouvez également devenir plus conscient et maître de votre vie éveillée. Conclusion : embrasser le pouvoir des rêves conscients. Le rêve conscient offre une porte d'entrée vers des mondes infinis d'exploration, de créativité et de croissance personnelle. Que vous soyez novice ou rêveur lucide expérimenté, les techniques et les informations partagées dans cet article vous aideront à maximiser vos expériences de rêve. En cultivant la conscience et la maîtrise de vos rêves, vous pouvez débloquer un potentiel illimité et découvrir un univers d'aventures passionnantes et de découvertes profondes. Alors, plongez dans le monde des rêves lucides et laissez vos nuits devenir aussi enrichissantes que vos jours.